En signe de soutien à la juste position de la Corée pour le renforcement de l'industrie de guerre autodéfensive, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études et du jutsu ont publié le 5 rond une déclaration commune qui indique comme ce qui suit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté encore la résolution de sanctions qui met en cause le lancement expérimental de la fusée balistique de la Corée pour le renforcement des armements nucléaires. La Corée lancera toujours l'engin du jutsu jusqu'au jour où les États-Unis et leurs satellites comprennent la cause et le moyen de solution du problème nucléaire dans la péninsule coréenne et prennent une décision juste.